Eh bien, bienvenue, bonsoir. Je crois que j'ai remarqué que Mario Gosselin ne m'a pas nommé comme intervieweur, Daniel Bauduc, pour ceux qui... Non, mais j'étais prêt. Au moins, il y a quelqu'un qui ne l'est pas. Alors, cette fusion avec le double éthérique, le double que l'on appelle communément, qu'est-ce que ça signifie, ce double éthérique? Est-ce que ce sera quelque chose qui concerne la survie de l'homme? Est-ce que c'est la seule survie de l'homme? Ce contact, est-ce que tout le monde a ce contact avec le double? Est-ce que le double existe pour tous? Ce sont des questions que bon nombre parmi vous se posent. Et cette question principalement, la fusion avec le double, invitons Daniel Kemp à nous en parler. De toute façon, comme seul, il est le seul à pouvoir en parler. Daniel Kemp. Ça marche pour cette fois-ci. Tiens, tu expérimenteras. Bon! Alors, j'ai entendu dire une chose assez intéressante, est-ce que le double, ça existe? On fait une conférence sur la fusion avec le double, puis tu dis aux gens, est-ce que le double, ça existe? Ben oui, c'est très simple. Si le double n'existe pas, comment faire la fusion avec le double? Effectivement. C'est que il y a beaucoup de questions que l'on se pose, et souvent il y a beaucoup de choses qui sont erronées. Alors, effectivement, le double existe. Est-ce que tu peux nous parler du double éthérique? Qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est que le double éthérique? Normalement, quand je fais des conférences qui sont d'une relative hauteur, soit au niveau du sujet, soit au niveau de l'énergie, il n'y a pas beaucoup de gens. Alors ce soir, évidemment, personne n'a prévu de monter toutes les chaises en haut et de finir de déménager le reste des chaises de l'ancien centre. Alors ça donne une idée un peu pour septembre. L'homme, d'autres l'ont dit, je l'ai dit souvent, n'est pas de la merde. Et il y a énormément d'individus qui, souvent, se culpabilisent, se sentent coupables de faire certaines choses. L'être humain est responsable de ses actes, mais n'est pas coupable de ses actes pour la simple raison qu'il ne sait pas exactement ce qu'il fait. Comme là, on a un technicien audio qui met de la réverbération, vous voyez, parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'il fait. Bon, mais ça va venir. Et, vous voyez, c'est venu. L'homme a une raison d'être sur le plan planétaire, et l'homme, Bouddha avait prétendu que l'homme était assujetti à la souffrance. La naissance était souffrance, la vie était souffrance, la mort était souffrance, et le pire, c'est que l'être humain était assujetti à une mécanicité de réincarnation, selon Bouddha. Alors, en plus de mourir en souffrant, tu te réincarnais en souffrant, tu revivais, assujetti à une loi de cause et d'effet, ou d'action-réaction, ce qui n'est pas la même chose, reconnu par d'autres traditions théologiques, comme la tradition catholique, entre autres, le karma. Si tu fais le bien, tu recevras le bien. Si tu fais le mal, tu recevras le mal. L'histoire ne dit pas quand, mais effectivement, c'est conséquentiellement, écologiquement plausible de penser que la loi du karma gère les relations entre l'homme et les événements. Si l'homme vit, meurt, va dans un monde de la mort, appelé le nirvana, appelé le ciel, appelé comme on voudra, et par la suite se réincarne, et la tradition catholique a enseigné la réincarnation jusqu'à Vatican II, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, lorsque l'on demande par exemple à Jean qui il est, s'il est Élie, on parle du principe même de la réincarnation. L'Église catholique a été plus intelligente que les traditions indo-européennes, en interdisant l'enseignement, d'ailleurs c'est Jean 23 qui l'a interdit, en interdisant l'enseignement de la réincarnation parce que la majorité des peuples, comme les Japonais aussi, tous ceux qui croyaient à la réincarnation, se disaient, à quoi bon évoluer dans ce vie-ci? Jouissons, puis dans la prochaine vie, on se forcera. Alors, interdisant l'enseignement de la réincarnation, ben, les humains finissaient par avoir conscience qu'ils avaient une vie, et c'était dans cette vie-ci qu'ils devaient faire quelque chose. D'où l'intelligence d'interdire l'enseignement de la réincarnation dans un peuple qui n'est pas prêt. Mais s'il a vécu de l'humain, et les traditions ésotériques souvent parlent de l'âge d'or de l'humanité, celle dans laquelle, vers laquelle on se dirige. Mais après l'âge d'or, c'est l'âge d'argent. Là où les énergies intelligentes commencent à quitter le contact de notre planète. Il y a par la suite l'âge des reins, là où les énergies intelligentes ne touchent presque plus l'homme. Et par la suite, il y a l'âge de fer, où l'humanité est laissée à elle-même. Et après l'âge de fer, un apocalypse. Et on retourne dans l'âge d'or. Ça devient stupide. Hey, la toupie. Ça va bien, ça va moins bien, ça va pas tellement bien, ça va mal en sacre bleu. Ça va bien, ça va pas tellement bien, ça va pas bien, ça va mal en maudit. Ça serait l'évolution de notre humanité. Le principe même de la réincarnation est un peu le même phénomène. L'être humain meurt, vit, jusqu'à quoi? Parce que la question que l'être humain ne doit jamais se poser, à quoi ça sert d'évoluer? Il ne doit jamais se poser cette question-là. Il ne pourra pas y répondre immédiatement. Il n'aura pas une... De toute façon, s'il a une réponse, il ne pourra peut-être pas la supporter. Y a-t-il un moyen pour arriver à échapper au monde de la mort? Parce que si l'être humain se réincarne, c'est que l'être humain a quitté le plan matériel sans avoir encore la faculté de conscience, d'instantanéité ou énergétique de pouvoir fuir le monde de la mort. Lorsque l'on fuit le monde de la mort, on fuit le monde de la vie. On est là, mais on n'est plus assujetti à perdre la vie pour aller dans le monde de la mort, pour aller dans le ciel. Dans certaines théologies, une théologie, qu'est-ce que c'est? C'est la transcription dans le domaine de l'homme de la perception des choses cosmiques vues par un être humain émotif. Les théologies sont toutes émotives. Et évidemment, parce qu'elles sont émotives, elles vont être assujetties à la croyance, à la foi, à l'espoir et à la certitude aveugle qu'on ne se trompe pas. Par exemple, un jour, j'ai annoncé publiquement que Dieu était un noir. Et ça l'a fait frémir bien des gens. Bon. Sauf les noirs. Lorsque l'homme vit d'une théologie, il détermine à quoi devrait ressembler Dieu. Dieu est un être. Il a déjà été un être de colère et de vengeance, à l'époque où les rois étaient des rois de colère et de vengeance, avec des armées multiples qui protégeaient les peuples élus. Et c'était l'homme qui décidait qu'il était, lui, le peuple élu. C'est pourquoi il y avait plusieurs peuples élus et plusieurs dieux. Plus l'évolution de l'homme s'est faite, plus l'évolution de ses dieux s'est faite, jusqu'au jour où l'homme considérait que ce serait préférable que Dieu ne soit pas de colère et de vengeance, mais plutôt d'amour et de pardon. Alors les dieux sont devenus des dieux d'amour et de pardon. À travers l'évolution de ces dieux, jamais l'humain ne comprend la raison d'être de sa présence sur la planète. Certaines théologies vont dire que l'homme est là pour servir. L'homme réel n'est pas là pour servir. Il est là pour accomplir. Et ce n'est pas la même chose. Le Nazaréen a accompli, il n'a pas servi. Comment arriver à faire en sorte que l'homme, de chair, d'os, de sang, de viscère, de psychologie, de peur, de crainte, d'angoisse, de désir, de joie passagère, de recherche de bonheur, puisse un jour être quelque chose qui ne peut plus être assujetti à cette mécanicité ascensionnelle de l'évolution de notre humanité? Dans la théologie catholique romaine, vous mourrez, vous gagnez le ciel, ou vous allez rejoindre à jamais ceux que vous avez connus et aimés. C'est vrai. Vous mourrez, vous gagnez le plan morontiel, on va y revenir. Tant que vous êtes dans le plan morontiel, si votre corps physique est suffisamment convenable, on peut vous réanimer et vous ramener à la vie. Votre âme traverse le plan morontiel. Elle va gagner le monde de la mort, le ciel. Le Nazaréen faisait une différence majeure entre le ciel et les cieux. Le ciel, c'est là que les gens qui meurent vont. Les cieux, c'est là d'où venait le Nazaréen. Et c'est là où il est retourné. Lorsque le Nazaréen, ou lorsque l'on enseigne que le ciel, maintenant, les portes du ciel sont ouvertes, que l'homme peut maintenant gagner le royaume des cieux, ça ne veut pas dire qu'à partir de cet instant, l'humain pouvait maintenant aller dans le ciel. Non, ça voulait dire que l'humain pouvait maintenant sortir du ciel. L'humain a toujours pu aller dans le monde de la mort. Mais transcender le monde de la mort pour aller dans l'au-delà du monde de la mort dans les cieux, et le premier palier des cieux porte un nom québécois, plan supramental, énergie supramentale, intelligence active, l'esprit pur, non coloré par l'émotion de l'homme. Votre esprit. La chose qui contient l'intelligence qui vous a construit. La chose qui sait pourquoi l'homme est ici. La chose qui sait pourquoi vous êtes ici. Et entre l'esprit et l'homme, l'homme terrestrifié, l'homme planétarisé, il y a un problème, l'âme. L'âme, c'est un véhicule mémoriel qui se relie à des archétypes, c'est-à-dire qui se relie à de l'instruction donnée par l'esprit. L'âme explique émotivement les choses. L'âme va conserver l'ego, l'orgueil et les souffrances assujetties à l'homme. J'ai dit, lorsqu'un jour on m'a posé une question, à quoi a servi le passage du Nazaréen, de Bouddha ou de d'autres? Parce que finalement, aime les autres comme toi-même, ça n'a rien donné sur la planète, on se bat autant qu'avant. Et j'ai expliqué qu'effectivement, l'âme n'évoluait pas. Ce n'est pas l'âme de l'homme qui évolue. Après 2000 ans d'instruction de l'âme, il n'y a rien de changé. C'est sûr, l'âme n'évolue pas. Ce n'est pas l'âme qui évolue. L'âme conserve l'identité. L'âme conserve l'illusion d'évolution. Et l'âme apprend. Elle apprend. Mais elle ne comprend pas. Ce n'est pas l'âme de l'homme qui peut comprendre une chose. C'est le mental de l'homme. Pas l'intellect. L'intellect, c'est un mental naissant, tout petit, assujetti au désir émotif de l'âme. L'âme, elle a peur. L'intellect est puissant. L'âme transmet sa peur à l'intellect. L'intellect construit des armes nucléaires pour assurer l'âme. Et le mental ne construira jamais d'armes nucléaires parce que le mental, il est logique, conséquentiel et écologique. Et c'est d'ailleurs le mental qui doit un jour devenir le seul maître de l'homme. L'âme, c'est quelque chose de primordial, d'essentiel. C'est comme l'échafaud pour construire une maison. Jusqu'au jour où on doit ôter l'échafaud pour laisser la maison se révéler. L'âme est l'ennemi de l'esprit. L'âme conserve votre expérience, vos mémoires. Vers l'âge de 2-3 ans, vous avez commencé à savoir que vous existiez. Au lieu de dire « Daniel a faim », vous avez commencé à dire « J'ai faim ». Vous avez fini par dire non à des choses. Preuve d'intelligence ou d'intellectuance. Et au fur et à mesure de votre expérientiation planétaire, l'accumulation d'expérience, l'âme se gonfle. L'accumule de la mémoire, l'accumule de l'expérience, et il finit par s'identifier à cette expérience. Alors un jour, un camionneur parlera que de camion. Le médecin parlera de médecine. Le chauffeur de course parlera de chauffeur de course. Le fermier parlera de ferme. Et il ne dit pas à un fermier que les fermiers sont des vaches, il sera colérique. C'est ça un camionneur, il rira avec vous. Mais dites pas un camionneur qui est camionneur, la majorité des camionneurs, c'est des égouts. Le fermier va rire, pas les camionneurs. Alors, à un moment donné, on s'identifie à la mémoire que nous avons. Et ça, c'est dans l'âme. L'âme est paramétrée par une enveloppe, le périsprit, le séraphin. C'est un mot. Une enveloppe d'énergie vitale. Exactement comme l'énergie vitale, yin et yang, des acupuncteurs. Sauf que c'est de l'énergie vitale de type ominal, que l'acupuncture ne connaît pas encore. Lorsque l'être humain meurt, lorsque le corps physique n'a plus la faculté vitale de conserver l'âme chez lui, l'âme le quitte. Le corps vital quitte le corps physique, la mémoire du corps physique est partie. Alors le corps physique pourrit. Il est digéré par le plan planétaire. L'âme rentre dans le monde, dans le plan morontiel. Un monde similaire à l'esprit, mais qui n'a pas la conscience de sa présence. et au-delà du plan amorantiel, et quand on dit au-delà, c'est simplement parce qu'au niveau des subtilités, l'âme étant plus légère que le corps physique, elle est moins attirée par l'énergie tellurique de notre planète, alors elle monte, comme l'hélium va le faire, ou l'hydrogène va le faire, sur les strates de carbone, d'azote et des gaz qui constituent notre atmosphère. L'enveloppe touche le monde de la mort. Le monde de la mort, c'est le ciel. On divise comme ça en paliers, là, mais c'est des mondes parallèles, mais ça permet de mieux comprendre. Le ciel, il est aussi protégé. Du monde de la mort, les humains ne peuvent pas arriver dans la matière. Il y a une enveloppe, une espèce de périsprit céleste. Une enveloppe. Une enveloppe duquel vont descendre certaines mémoires, des personnes mortes avant vous, et qui vont venir vous voir, vous chercher pour vous montrer le chemin. Jusque là, c'est l'évolution actuelle de l'humanité et c'est l'évolution antérieure des humanités qui ont vécu sur notre planète. Mais c'est une chose qui est en train de changer et qui va changer dans les centaines d'années à venir et qui va changer avec dans les quelques années à venir pour certains. L'homme n'ira plus vers ce monde de la mort. Pour ça, il y a des conditions fondamentales qu'on va expliquer. Cette âme, elle touche le monde de la mort et l'énergie vitale du séraphin ne peut pas pénétrer ce monde de la mort. Alors, il souffre et l'âme, ainsi que les mémoires volatiles, l'expérience contenue dans l'âme, l'ego, rentre dans le monde de la mort. Là, vous êtes mort. Deux morts. Corps physique, l'illusion de la mort. Pénétration du monde de la mort, le ciel, oui. La théologie dit que vous allez rejoindre des personnes que vous avez connues et aimées, et cela pour l'éternité. Oui, je le dis brièvement ce soir, j'en ai parlé dans des conférences sur la réincarnation, comment survivre à sa mort, et ce genre de conférences. Lorsqu'on pénètre le monde de la mort, chaque palier du monde de la mort, il y en a plusieurs. Il y a un palier infernal, il y a une gamme de paliers purgatoires, et certains paliers hautement spirituels. Selon votre affinité vibratoire, vous allez vous évoluer à travers le monde de la mort. Et le temps, dans l'Antiquité, ça prenait un certain temps parce que l'être humain est extrêmement massif au niveau de l'âme. Il tuait facilement, il chicanait, il était colérique, il était vaniteux. Alors, le temps purgatorial était plus long. Vous vous diluez et vous vous fusionnez à ceux qui sont en harmonie avec vous. Quand je dis vous vous fusionnez, je veux dire que vous rejoignez pour l'éternité ceux que vous avez connus et aimés. Mais vous n'êtes plus vous, ils ne sont plus eux. Vous êtes maintenant quelque chose de neuf, uni. C'est la fusion. C'est chiant pour l'ego, mais on peut se référer à certaines conférences, ça explique un peu. Alors, la théologie catholique romaine, elle a raison. Hier, dans une émission radiophonique, on me demandait si j'étais contre la tradition. J'ai dit non, je ne suis pas contre la tradition. Contre le fait qu'on s'y attache, oui, mais pas contre ce qu'elle transmet. La tradition n'a jamais menti, mais elle n'a pas tout dit. Et c'est normal, on en rajoute un peu. Lorsque le Nazaréen est passé, il a perfectionné la tradition, ce qu'on appelait l'Ancien Testament. Et à un moment donné, il faut perfectionner le Nouveau Testament. Et à un moment donné, il faudra perfectionner autre chose. Alors, effectivement, il y a fusion. Et à un moment donné, l'être humain va se réincarner dans un contexte planétaire, dans des conditions que j'ai déjà expliquées. Et si vous avez des questions, la deuxième partie, on y répondra. L'homme se réincarne, il revient, il revit. 99% du karma qu'il aura est le karma relatif, sa culpabilité, ce qu'il va s'imposer lui-même, et il refit jusqu'à temps qu'il remeure et puis il recommence. C'est très intéressant, c'est plaisant. Sauf qu'à un moment donné, l'homme doit faire autre chose que de jouer au yo-yo. Partir pour un monde meilleur, t'es rendu là-dedans, ben t'as plus conscience de grand-chose, tu te fusionnes inconsciemment, puis à un moment donné, tu te réveilles, tu viens de naître. Alors, chaque fois qu'on part pour un monde meilleur, on part pour revenir. Et cette évolution-là, bien, elle devient absurde. Elle est intelligente parce qu'elle a une raison. Elle a une raison d'être. Elle a une grande raison. Mais à un moment donné, moi, et puis vous, et puis d'autres, vont cesser de gagner le monde de la mort en perdant leur identité. Savez-vous pourquoi? La grosse question du principe de la réincarnation, c'est... Comment ça se fait qu'on se rappelle pas de nos vies antérieures? Ben, t'es mélangé avec un paquet de nègres quand tu te réincarnes. Tu te rappelleras pas de grand-chose. Ouais, mais la régression dans les vies antérieures par l'hypnose, ouais, tu régresses dans des mémoires astrales, t'as aucune idée. ça, c'est pas une preuve que c'est ta vie. Et puis, ça peut être aussi l'une des entités qui t'habite maintenant. Et c'est à l'adolescence qu'on fusionne ces personnalités, c'est pourquoi ça devient compliqué l'adolescence. L'homme, c'est, par la tradition, mais ça va se revivre prochainement ici et au Québec. Pas par moi, par d'autres. Ça va se revivre. À un moment donné, il y a un bonhomme qui devient tout lumineux, puis qui commence à flotter dans les airs, et puis un nuage qui l'entoure, un nuage d'énergie supramentale, mais la femme de Sri Aurobindo avait aussi parlé de la neige supramentale, de ce genre de choses. Et là, c'est le Nazaréen qui fait une ascension, ou Élie, ou d'autres. Le corps du Nazaréen ne le retrouve pas, parce qu'il a été terrifié. Ça a été terrifié les autres, mais le Nazaréen, son corps a été supramentalisé. C'est ce qui a d'ailleurs donné une espèce de photographie dans une guenille d'aventurée. Une photographie d'un rayonnement et d'une forme d'énergie nucléaire qu'on ne connaît pas encore parce qu'elle est humaine et non pas minérale. Et le Nazaréen a simplement cherché son corps. On appelle cela amener son corps avec soi dans sa mort. Pour cela, on ne gagne pas le monde de la mort. J'explique des petites choses. Parmi toutes les apôtres, il y en avait des dizaines du Nazaréen, un seul. Ce n'était pas un apôtre, c'était un ami. D'ailleurs, il avait même un lien presque sanguin avec le Nazaréen. Ce seul personnage, Lazare, a accepté, il a eu confiance. Pierre n'a pas eu confiance, Pierre n'a pas trusté le Nazaréen. Hein, le coq a chanté trois fois. Remarquez qu'on a poussé le coq un peu. Faut que les traditions s'accomplissent. Bon. Mais n'empêche que Pierre n'a pas eu confiance jusqu'au bout. Et les autres non plus. Par la suite, ils n'ont pas eu confiance. Quand ils ont revu le Nazaréen, Pierre a accepté de mourir. Il n'est pas qu'un qu'on appelle ça des martyrs. Oh, ils ont eu confiance après, parce qu'après, ils n'ont pas des... ils n'ont pas eu confiance. Ils ont été manipulés après par la culpabilité de ne pas avoir eu confiance du vivant du Nazaréen. Ils ont eu confiance après. Ils ont regretté après. Et ce regret qui les a permis de donner l'illusion de la confiance. Lazare. Lazare accepte de faire une chose qu'un jour d'autres humains devront faire. Plus il y en a qui le font, plus c'est facile de le faire. Alors, c'est pas le même genre de phénomène. Lazare accepte de se laisser emporter par le Nazaréen dans un monde qu'aucun être humain vivant ne connaît. Le monde de la mort. Pour cela, il faut quoi? Il faut avoir un double éthérique, et il faut avoir commencé la fusion avec son double éthérique, et il faut avoir une garantie planétaire d'une énergie suffisamment puissante pour sortir celui qui est en train de s'initier du monde de la mort. Le Nazaréen, on en a déjà parlé dans une conférence, ce que le Christ n'a pas dit, avait encore un peu d'ego lorsqu'il était sur la croix. Le Nazaréen est de l'esprit et il devait gagner le monde de la mort vivant. Donc, en ayant conscience de qui il était. Juste avant de faire cela, il a initié Lazare parce que c'est Lazare qui a reçu par la suite l'autorité du Nazaréen et non pas Pierre. Pierre a reçu une forme d'autorité, créé l'Église que nous connaissons aujourd'hui. Les papes sont les successions, sont planétaires de Pierre. Lazare a accepté de laisser son corps, de gagner le monde de la mort, de faire certaines choses, et quand son corps commençait à s'en aller, à pourrir, le Nazaréen est revenu. On demande au Nazaréen, on lui dit, ton grand ami Lazare est malade. Et le Nazaréen répond, oui, alors je vais aller le guérir, mais dans quelques jours. C'est la seule fois que le Nazaréen décide de retarder une guérison, parce que Lazare n'est pas malade. Et personne ne peut comprendre. Alors, il s'en va manger, il jase avec un paquet de gens, et par la suite, il se dirige vers l'endroit où Lazare est apparemment malade. Et la famille de Lazare vient rencontrer le Nazaréen, et elle lui dit, il est trop tard, il est mort. Le Nazaréen répond, non, il dort. On lui dit, ben, s'il dort, il pue. C'est quelque chose qu'on dit, là, mais en tout cas, quelque chose dans le genre. Et le Nazaréen répond, non, il dort. Amenez-moi là où il est. Alors qu'ils lui disent, ben, il y a un problème, on l'a déjà tout enrubanné, parfumé, tout ce que tu voudras, puis il est emmuré. un problème. Il dort. Lazare n'a pas l'énergie suffisante parce que Lazare a trop d'ego à l'époque, parce que Lazare n'a pas un double éthérique suffisamment constitué, parce que Lazare est en fusion avec, mais la fusion n'est pas terminée. Lazare n'a pas suffisamment d'énergie pour quitter le monde de la mort en retrouvant son monde planétaire. D'où l'importance de la présence du Nazaréen pour Lazare. Le Nazaréen s'approche du caveau et par la parole, il crée un canal suffisamment puissant pour que Lazare se retrouve. Et là, Lazare avec ses guenilles, puis son parfum, il sort de la caverne, et tout le monde se met à genoux. L'homme est un véhicule de chair. Vous l'avez tous constaté. Ceux qui ne le savent pas encore, vous essayerez de sortir par les murs tout à l'heure et vous constaterez que l'homme a au moins un véhicule de chair. Ce véhicule de chair a une puissance fondamentale assez extraordinaire, c'est qu'il a premièrement un centre laryngé et deuxièmement un néocérébellum, un cortex cérébral qui ne se retrouve pas dans les animaux mais dans les hommes préhistoriques. D'ailleurs, il commence surtout dans l'homme historique, là où l'écriture a été commencée. Biologiquement, cela permet à l'homme de supporter une condition énergétique. Qu'est-ce qu'on entend par une condition énergétique? Des fois, ce sont des mots qui perdent leur valeur. Vous êtes fatigué, vous manquez d'énergie. Ça veut dire quoi? Vous savez ce que ça veut dire? C'est ça, de l'énergie au niveau des plans de l'homme. Vous avez joué au téléphone avec un têteux, là, une sensation d'énergie, là, pendant une heure et demie, là, puis de vous raccrocher, de t'écœurer, fatigué. C'est ça. Vous êtes fait sucer de l'énergie. Vous rentrez quelque part, et puis tout le monde est capoté, ça court partout, puis là, vous vous sentez énergétiquement, vous perdez. Vous allez dans la forêt, vous marchez peut-être du pied, vous regardez les choses, et puis vous venez radigoter, vous êtes bien plein d'énergie. Yin et Yang, ce sont de l'énergie qui circule à la surface du corps dans la majorité des cas, et sur deux méridiens, dont les points merveilleux, à l'intérieur des centres cutanés. C'est de l'énergie. Le corps physique a la faculté de recevoir par le système neuronique de l'énergie. Médicalement, on explique que la pensée, c'est une dépolarisation neuronique. Ouais. Ça commence où? Je suis d'accord que ça dépolarise jusqu'à temps que ça arrive dans ma main, puis ça va faire des conneries à ma main. Bon, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui engendre la parole que je dis? Qu'est-ce qui engendre vos souffrances psychologiques? Qu'est-ce qui engendre vos désirs? C'est évident qu'avec du Valium, du Librium, avec certains médicaments, des antipsychotiques, vous allez souffrir moins. Vous allez être moins nerveux, moins stressé. Est-ce que les médicaments viennent altérer la chose qui engendre les choses? Non. Ça vient altérer le corps physique qui exprime moins bien. Le cerveau, les neurones, font que l'homme est quelque chose d'autre. L'énergie, appelons ça énergie, bon. Il y a quelque chose quelque part qui se garage dans l'univers, et son problème, c'est qu'elle connaît le temps et l'espace. Elle se densifie, elle involue. Et cette chose s'appelle, dans la plus grande dénomination, Dieu. Certains disent que Dieu est parfait et que Dieu est partout. Donc, Dieu est dans vous. Donc, vous êtes parfait. Donc, celui qui tue est parfait. Alors, l'homme se plaît de dire que l'homme n'est pas parfait, mais que Dieu est parfait. Si Dieu est parfait et que l'homme n'est pas parfait, Dieu n'est pas partout. Ah oui, mais Dieu est partout. Si Dieu est partout, l'homme est imparfait, donc il y a une partie de Dieu qui est imparfaite. C'est logique. Ou bien abandonnons toutes les traditions théologiques. Fumons un joint, puis oublions tout. Mais ça ne change rien, l'humain qui se conscientise, il revient toujours à se conscientiser parce qu'il va poser les mêmes questions. Dieu est une constitution énergétique hautement supérieure à ce que vous connaissez en termes d'énergie ou d'expression. Sauf que ces énergies divines sont descendantes. En phase d'involution. Et les premières parties de cette phase d'involution, lorsque ces premières parties sont arrivées dans la plus dense des possibilités créationnelles de notre univers, Elles ont commencé à stagner, à s'accumuler les unes sur les autres, recevant toujours l'énergie qui descendait. Et c'est cela, l'homme. On appelle ça la chute dans une tradition originale où on instruit l'humain à accepter sa condition d'ignorant. Quand je dis ignorant, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il fait ici, il ne sait pas exactement d'où il vient, il ne sait pas où il va et il ne sait pas pourquoi. Si peu, l'homme le saura. L'homme accumule de l'énergie, ce qui lui permet de constituer des corps nouveaux. Corps physique, c'est intéressant. Corps vital. Il l'anime, ça engendre. Est-ce qu'il y a de mieux? Ce n'est même pas comparable aux animaux. Mais il accumule encore de l'énergie et il finit par savoir qu'il est. Et ça, c'est fondamental. Le chien, il vit, le chien. Il a l'instinct de préservation, mais il ne sait pas qu'il existe. Il ne sait pas qu'il vit. Mais vous, vous le savez. Et c'est là que commence le problème. Peur de la mort, peur de l'angoisse, peur de souffrir, peur de ceci, peur de cela. Peur de perdre ce que nous avons. Conscience d'être. Cette conscience d'être, elle engendre l'âme. Elle engendre l'ego. Mais il y a un problème. C'est que l'énergie qui descend pour engendrer l'âme, sa finalité évolutive dans son évolution, ce n'est pas d'être de l'âme, c'est d'être de l'énergie vitale. L'énergie descend, ça fait un corps physique. Une autre strate descend, ça fait un corps vital, ça l'anime. Une autre strate descend, ça fait un corps vital intéressant, ça crée le système laryngé et neuronique. L'énergie continue à descendre, elle s'accumule plus haut, ça crée l'âme. La psychologie, c'est la relation qui existera dans l'âme entre la mémoire, entre l'expérience intra-amique, l'émotion, et entre la gestion de nourriture amique mémorielle, le désir. La psychologie, c'est la relation entre la mémoire, l'émotion et le désir. Ça crée l'âme. L'âme devient suffisamment énergisée, orgueilleuse, pourrite apparemment, mais c'est génial, qu'elle finit par accumuler l'énergie sur une strate plus haute, le plan mental, l'intellect pour commencer. L'énergie s'accumule sur le mental et lentement, cette énergie prend une autre saveur, l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, ça fait quoi? Ça fait qu'à un moment donné, vous venez pour dire quelque chose, puis vous dites autre chose. Puis si vous êtes attentif à vous écouter parler, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de vous instruire. Là, vous devenez vos seuls maîtres. Mais l'humain n'aime pas s'écouter parler. L'humain préfère écouter ce qu'il va dire dans sa tête, puis dire n'importe quoi quand il parle, puis écouter les autres parler de temps en temps. Mais pourquoi pensez-vous que vous avez un problème? Et vous ne connaissez pas la solution. Vous rencontrez quelqu'un d'autre qui ne connaît pas la solution, qui n'a pas d'expérience, hein, c'est le voisin, le beau-frère, la belle-sœur, la mère, le fils. Et vous discutez par la parole. Et l'ajusteur de pensée ne fonctionne qu'en ajustant la parole. Alors on parle. Et en parlant, la solution arrive. Vous ne la connaissiez pas. Et si vous auriez voulu y penser, pensez-y pendant 2 jours, 3 jours, vous risquez fortement de souffrir plus, mais de ne pas avoir de solution. Et souvent, l'être humain, lorsqu'il cesse de penser, la solution arrive. Et la pensée, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein? L'ajusteur de pensée, on continue à accumuler l'énergie. Souvent, on a des personnes qui se disent, c'est écœurant, il n'y a plus d'écoute. Tout le monde veut parler. C'est génial, parler. Tout le monde veut parler, mais c'est justement, les Québécois, surtout, il y a une grande gueule. Un exemple ici. Bon. Faut parler. La parole est d'or. Le silence est d'argent. Dans l'ancien temps, c'est l'inverse. La parole, l'ajusteur de pensée. Et qu'est-ce qui vient après? Le contact avec votre esprit. L'énergie supramentale. Supramentale, supérieure au mental. C'est pas un bonhomme avec un vaisseau spatial qui vient poser ses pattes sur votre tête. C'est pas quelqu'un qui vient parler dans votre tête et qui vous dit « Hey, le cœur, pas ça que tu fasses. » Ou encore, je m'appelle Shri Machin Chouette, je suis ton esprit, et je viens te dire ce que tu dois faire pour te sauver. Mais non, ça quand quelqu'un vient vous dire ça, là, allez vous laver la tête dans le bol des toilettes. Tu vas t'en aller. L'homme doit être son seul maître. Ça vient vous dire, « Hey, tu devrais faire ça. » Vous devrez répondre, « Ouais, je vais y penser. » Mais non, je suis le grand maître, je m'écoute pas, j'en reviens plus. Parfait, va-t'en. Mais non, l'humain qui se croit médiocre, sac, j'ai un grand maître dans ma tête, torieux, ça m'a rien coûté. Mais non, reste, je me tâche doux, je me mets à ramper, bouffer mon tapis, il va tout faire. Et là, le grand maître lui dit, parfait, va porter la bonne parole, je te missionne. Fais des disciples, amène des gens, fais-moi connaître. Le grand maître a besoin d'énergie. Il ramasse des humains pour les têter. Tous les phénomènes de maître, de gourou, et toutes les théologies ont une chose très importante qu'ils donnent aux maîtres ou aux disciples. Convertissez autrui. Ici, les gens viennent. Des gens qui partent frustrés, des personnes qui courent après. Des fois, on les rembourse même pour être sûr qu'ils vont aller acheter ailleurs la prochaine fois. La personne qui vient, c'est parce qu'elle vient. Il y a beaucoup de gens qui vont à des places librement. Il y en a qui vont à l'église librement. La journée qu'ils vont voir leur prêtre et qu'ils leur disent « Je pense que je ne viendrai plus à la messe. » Et si le prêtre répond « Aucun problème, c'est ton choix. » Ce prêtre-là, il est au-delà des prêtres. C'est un initié. Si le prêtre te dit, « Ben voyons donc, tu vas pas faire ça! » Ce prêtre-là, c'est un humain qui n'a pas encore compris. Vous devez rester libre. Lorsque l'énergie supramentale vient chatouiller par l'ajusteur de pensée, votre parole et vos neurones, il se passe des choses. On a vu qu'il y avait des maladies de la transition. Il y a des personnes, à un moment donné, qui ont comme des crises de cœur, ça part. Ils vont voir le médecin, il n'y a rien. Il y en a qui font de l'hypertension, il n'y a rien. On leur met des médicaments, mais il n'y a rien. Il y en a qui font de l'hypotension, il n'y a rien. Il y en a qui ont des problèmes oculaires, on ne trouve pas les symptômes. Il y en a qui ont... Il y a plein de trucs dans le genre, parce que le cerveau vit une mutation pour pouvoir permettre la création du double éthérique. Et pendant cette mutation, on perd la mémoire, on a ceci, on a cela, le cerveau se transforme, le cerveau détecte un manque de pression sanguine, alors il enclenche dans le corps quelque chose pour hausser la pression. Vu que la pression était bonne, ça crée de l'hypertension. Le médecin va vous dire, ben, il n'y a pas de cause, hein, mais c'est fréquent, fait qu'on va vous donner du Lasix, on va vous donner ceci, on va vous donner cela. Bon. Mais c'est pas des choses là-dedans ici. Lorsque cela arrive, il se passe une chose intéressante, c'est que l'homme commence à se poser des questions magistrales. Commence à se déplacer pour venir comme dans des salles comme ici, puis il y en a d'autres au Québec, avec d'autres conférenciers. Et l'humain commence à vouloir, non pas croire, mais comprendre. Les voies de Dieu sont impénétrables. Ça marche plus, ça. Tu sais, dans le genre pauvre, qu'on pose pas des questions de même, ne va te toucher. Ça marche plus. À un moment donné, l'humain veut comprendre. Et ça, c'est parce que l'ajusteur de pensée commence à venir faire travailler des choses chez lui. Il arrive ceci. Il arrive que dans la transition complète de l'homme ancien vers l'homme nouveau, c'est pas quelque chose que j'ai amené. Hein? Dernièrement, il y a une personne qui nous sortait de la Bible, un message de Paul, disant que l'homme ancien devra arracher sa peau pour devenir un homme nouveau. C'est pas moi qui ai amené ça. Précurseur public, ouais, je suis à grande gueule qui en parle un peu plus ici. Là. C'est pas, tu sais, bon, l'homme nouveau, ça vient de loin. C'est quelque chose qui s'en vient. On n'a pas une carte quand on est un homme nouveau. Hein, on ne peut pas acheter quelque chose. Ça vient là-dedans. Ça vient comment? Ça vient simplement comme ceci. Lorsque l'être humain vit une phase d'anégoïsation, lorsque l'ego commence à être écrasé, tout à l'heure j'expliquais que l'énergie qui constitue l'âme n'a pas sa finalité dans l'âme. Elle doit continuer son évolution pour devenir de l'énergie vitale, mais cela lorsque elle aura créé le corps mental. Lorsque le mental est créé, l'humain est capable d'être conséquentiel. Autrement dit, tu ne voleras point. Pas dans les airs, ça. Tu ne voleras point. Ça fait partie, c'est l'un des 20 commandements de Dieu. J'ai dit souvent qu'il y avait eu deux tables de commandements, chacune contenant 10 commandements, mais le bonhomme qui est descendu de la montagne en échappait une puis il l'a cassé. Alors, il n'a pas été s'inventé, puis il a prétendu qu'il y avait seulement 10 commandements. Bon, je répète aussi. Tu ne voleras point. Tu ne voleras point, savez-vous pourquoi il ne faut pas voler? Pas parce que c'est un commandement de Dieu! Parce que c'est stupide de voler! Parce que c'est inécologique de voler. C'est pour ça qu'il ne faut pas voler. Tu honoreras ton père et ta mère, c'est son honorable. Bon. Ça, c'était écrit sur le petit bout qui manque. Il y a bien des choses qui, dans la conscience de l'homme transitif, de la femme transitive, de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, changent. Mais lorsqu'on change d'une façon anégoïque, Il n'y a aucun commandement d'aucune religion auquel on pourra passer à côté. Il n'y en a plus. Sauf qu'on n'a pas besoin d'apprendre la religion pour accomplir la religion. La religion, c'est une technique. Ça vient du mot religare, ce qui veut dire relier. C'est une technique pour permettre à l'homme de se relier. Et lorsque l'homme est relié, il n'y a plus besoin de la technique. Mais comme toute technique planétaire, la technique, elle enseigne à l'être humain à arriver à quelque chose et elle fait tout pour que l'être humain ne puisse plus se passer de la technique. Vous faites du yoga, ça vous calme. Cessez d'en faire, ça va devenir fou. Donc, le yoga vous rend calme, mais le yoga, en même temps, vous esclavagez à lui. C'est un peu comme une drogue que vous prenez. Vous prenez une substance qui vous permet de ne plus mourir, de vivre éternellement. Sauf qu'à l'instant où vous passez une journée sans manger, après avoir commencé à prendre, vous mourrez. Elle vous donne l'éternité, mais c'est une drogue, vous devrez en prendre toujours. Les techniques font ça, les religions aussi. La technique, elle n'est pas mauvaise, elle est bonne. C'est l'homme qui est problématique, pas la technique. Lorsque l'être humain est conséquentiel, lorsque l'être humain arrive à être en contact avec son esprit, il n'y a plus besoin de lire un livre, savoir quoi faire. Il accomplit, il fait. Mais pour cela, l'être humain doit être sans orgueil. Et être sans orgueil, c'est le travail qui doit être fait. J'explique encore des petites choses. L'énergie devient de l'âme. L'âme crée le mental crée l'ajusteur de pensée, l'ajusteur de pensée entre en contact avec le plan supramental, et là, l'homme, pour la première fois, a un contact avec ce qu'il appelle Dieu, mais dans les cieux, puis dans le ciel, à un niveau où Dieu n'est pas con. À un niveau où Dieu n'est pas con. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y en a un qui ouvre la Bible, qui ouvre le Coran, qui ouvre un livre. Et puis là, il est touché par Dieu. Illumination. Là, il est fou comme la marde, barbouillé d'enthousiasme. Il est heureux, il ne veut plus rien savoir de personne, il sait tout. Il n'a même plus besoin du contact avec Dieu. Il y en a assez dans sa mémoire, pour savoir. C'est ça le problème, il y a trop d'égo. Mais le Dieu est venu à son niveau. Vous ne pouvez pas recevoir un contact avec de l'énergie supramentale, de l'énergie intelligente. À un niveau où vous n'êtes pas capable d'aller. Donc, l'énergie vient à votre niveau. Mais à votre niveau, elle vous explique ce que vous pouvez comprendre. C'est-à-dire qu'à votre niveau, elle vous explique ce que vous voulez comprendre. Et au cours de votre vie, expérience après expérience, illusion sur désillusion, vous augmentez votre capacité de ramasser de l'énergie. Et finalement, à un moment donné, sac! C'est pourtant simple à comprendre, c'est clair, c'est évident, comment ça se fait que j'ai pas compris ça, là? Après. À un moment donné, tu dis à quelqu'un, ouais, tu comprends pas, maudit, c'est pourtant très évident. Non, non, toi, t'es à un niveau vibratoire où tu le vois, l'autre, t'es à un niveau vibratoire où il le voit pas, ça sert à rien de crier. S'il laisse en paix, dans 2 heures, dans 2 ans, dans 200 ans, il va comprendre. L'homme a cette phénoménologie de l'évolution, et à partir de ce moment donné, l'intelligence supramentale commence à vous écraser. Et là, vous allez commencer à souffrir. Plus vous êtes conscientisé, plus vous risquez d'être malade, d'avoir des accidents, d'avoir des problèmes, de souffrir, de voir votre famille se retourner contre vous. Pas quelque chose comme ça. Pour vous montrer que ce n'est pas votre ego qui allait dominer, ce n'est pas vous qui êtes le maître, pas au niveau de l'âme. Il arrive simplement dans l'être dans l'homme nouveau que l'intelligence supramentale, l'esprit, commence à écraser l'ego. Un exemple. Vous vous habillez tout bien beau, là, vous allez dans un restaurant, vous rentrez, puis là, à un moment donné, vous êtes un petit peu fier de vos habits. Celui qui se conscientise pas, il peut être fier, pas de problème, mais celui qui se conscientise, puis il y en a. Moi, je suis bien, bien fier, là. Là, la serveuse, elle passe, elle traverse la moutarde dessus. Pourquoi ça m'arrive à moi? Parce que toi, tu commences à avoir de la puissance. Tu ne dois pas avoir de l'orgueil, parce que tu vas devenir très dangereux. Alors, voilà, c'est toi. Tu vas gueuler, tu vas chialer, t'apprends. Puis si tu te dis, bon, ben, c'est ça. On y va en mettre de bord. Il brille un peu. Tu peux manger comme ça, on ne voit pas. Il y a bien des moyens. Tu peux faire un autre... Tu peux virer l'autre. Il y a bien des moyens. Le meilleur moyen, c'est de s'en foutre. Ouais, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est leur job de dire. C'est pas votre job de souffrir parce que les autres veulent de la moutarde sur le piston. C'est votre homme. Mais ça, l'humain a de la difficulté à le saisir. Et c'est ce qui arrive quand l'humain évolue. L'évolution, on dit, on pense. Mais ça, c'est une menterie. Plus on évolue, plus on est en paix. Voyons donc. Les araignées vont penser à quoi? Lazare a failli pourrir une caverne à cause que le monde qui ne comprenait pas l'ont voulu l'enterrer avant qu'il meure. Il y en a un paquet qui sont morts sous des bûchers. Jean-Paulin est mort assassiné. Il y en a un paquet d'autres, Luther King, qu'on peut en mettre tant qu'on en veut. Plus on se conscientise, plus c'est la paix. Vous avez compris ça? Kim, plus t'es cave, moins t'as de problèmes. C'est un fait. Plus tu te conscientises, plus tu lis, plus tu apprends, plus tu poses des questions, plus tu es bien. Hey! Savez-vous pourquoi qu'on a instruit l'humain? C'était le bonheur dans l'évolution. C'est le seul moyen qu'ils veulent bien accepter son évolution. Parce que sinon, oui, on le fait. Moi, je comprends rien à rien, puis là, tu veux que je comprenne pour commencer à broyer, tu sais. Moi, j'aime autant rien comprendre, la rien, puis pousser ma charrette, puis... Ouais, mais t'étais un esclave! Oui, oui, j'étais un esclave heureux, toi, t'étais un maître malheureux. Mais sauf que le rôle de l'homme, ce n'est pas d'être heureux. Le rôle de l'homme, ce n'est pas d'être en paix. C'est un chemin intéressant et intelligent sur lequel on peut voyager, mais ce n'est pas le rôle de l'homme. Il peut évoluer en paix, il peut évoluer en souffrance, mais le rôle de l'homme, c'est son ascension. C'est pas la paix ou le bonheur. Il peut le faire en bonheur, il peut le faire en malheur, mais il change. Alors, il arrive ceci. Il arrive que plus on se conscientise, plus on entre en contact avec son esprit. Et l'ego, l'âme, ne veut pas laisser la place à l'esprit. « Moi, je veux rencontrer Dieu !» dit l'homme. « Mais mon pauvre petit, si tu rencontres Dieu, tu seras tout sauf Dieu. Parce que tu ne peux pas être la chose que tu vois. Si tu... Oui, mais je veux rencontrer Dieu, parce que je veux devenir Dieu. Quand tu deviendras Dieu, tu ne seras plus là. Tu ne seras plus toi, puis tu ne sauras plus que tu étais là. Ça va de soi. Tu seras Dieu, mais tu ne seras plus toi. Alors l'homme, quand on lui dit qu'il ne sera plus toi, trouve ce putain pas mal. Et puis, il invente des évolutions émotives. L'esprit descend, l'esprit écrase, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que lorsque l'âme commence à être écrasée suffisamment, elle devient de l'énergie vitale. Vos maladies vont commencer à être guéries lorsque vous allez être suffisamment anégoïque. Cessez de vous prendre au sérieux. Je le dis, c'est facile à dire. Vous en allez en automobile, il y a un gars qui vient vous coller en arrière, carrément collé dessus, là. Et ben lui, là, ça c'est de l'orgueil. Vous êtes fait. Il décide de dépasser à droite, puis vous, vous êtes un fiefé coquin du code de la route. C'est à droite, on dépasse pas. Fait que tu te mets à droite, passera à gauche. C'est de l'orgueil. Vous avez déjà roulé sur une autoroute pour vous rencontrer quelqu'un qui roule à gauche à 100 km à l'heure. Là, vous lui demandez de se passer à droite parce que c'est préférable de dépasser à gauche. Mais le gars, il roule à 100, la limite, c'est 100. Tout le cave suit. Le gars, il se pense que rien qui est avec la loi, c'est de l'orgueil. Vous, vous chauffez un petit peu, vous êtes un petit peu en colère, c'est de l'orgueil. Et là, il n'y a pas, pendant ce temps-là, de création ou de nourrissement du double éthérique. Vous avez tous commencé, l'être humain a commencé à créer un double éthérique, il n'a pas le choix. Mais il doit le constituer suffisamment. Pourquoi? Parce que en m'anégoïsant, l'énergie de mon âme devient de l'énergie vitale, c'est-à-dire qu'elle baisse en vibration. L'énergie vitale, c'est la mémoire de mon corps physique. Elle va le restaurer. Mais j'aurai plus d'ego. Ça veut dire que si on fait pleurer, je vais comprendre pourquoi l'autre a tenu une claque dans le visage, je vais comprendre. Mais si tu prends mon pouls, il n'a pas augmenté. On va dire, ouais, mais c'est un imbécile, ce gars-là. C'est pas un imbécile, ce gars-là. Lui, il a décidé qu'il ne voulait plus souffrir des imbécilités des imbéciles. Alors, on dit au gars, m'en donner un autre. Donne-moi un autre. L'autre, il vient t'en donner un autre. Tu le bloques. Puis là, il décide de te sauter dessus. Tu te défends. Pas une grimace, pas rien. L'autre est à terre, tu t'en vas. Il s'est rien passé. Certains vont dire, oui, mais moi, je ne suis pas capable de me battre. Vous ne serez pas attaqué. La négoïsation finit par mettre suffisamment d'énergie vitale dans le corps physique, en plus de la guérison et de la gestion complète du corps physique à cette époque, elle finit par transpirer à l'extérieur. On a déjà parlé un petit peu au niveau des certains principes, que nous n'avons rien d'ailleurs reconnu, et c'est les voisins qui vont commencer à se sentir bien à votre contact. Mais ça, vous devez l'empêcher. Mais à un moment donné, quand ce sera le cas, vous saurez comment l'empêcher. Parce que les voisins vont commencer à vous courir pour les symptômes. Ils vont carrément se foutre de vous autres. Guéris-moi. Si tu dis non, ils vont te répondre, t'as pas le droit de dire non. est esclave. Alors, ils ne sauront pas. Cette énergie vitale s'en va dans le plan vital, le plan moronciel, et lentement, il va faire ceci. Vous êtes tous une programmation parfaite d'un véhicule ou d'un outil que votre esprit, donc vous, dans un état où vous ne connaissez pas, avez créé. Et vous le créez au fur et à mesure de l'avancement évolutif de notre planète depuis près de 4,5 milliards d'années. Et c'est cela qui est important. Pas l'idée que vous avez de ce que vous êtes, c'est l'ego, c'est l'âme. Pas la mémoire de vos vies, c'est l'ego, c'est l'âme. Savez-vous qu'est-ce que vous êtes finalement en tant qu'humain? Si vous vous posez la question, si j'en pointe un, je lui dis, qui es-tu? Je ne sais pas. Je suis plombier. Qui êtes-vous? Eh bien, c'est ce qui êtes-vous qui est important. Ce qui êtes-vous, lorsqu'il est suffisamment perfectionné, ne doit pas aller dans le monde de la mort. Il doit être préservé dans le monde de la vie, dans le plan moronciel, dans le plan éthérique, pour que celui qui l'aura constitué, donc vous, celui qui aura suffi à accepter de s'anégoïser, donc vous, puisse aller se cacher dedans et revenir sur la planète Terre dans une réincarnation unifiée où il se rappellera qu'il a été. Finir les choses et partir. Il se passe ceci. Il se passe que lorsqu'on a trop d'énergie vitale, parce qu'on s'anégoïse, on crée un double éthérique. La forme parfaite de votre code génétique au niveau atomique. Lorsque vous donnez naissance à un enfant, vous avez 40 ans, homme et femme, un exemple. Vous mettez un enfant au monde, l'enfant n'a pas votre peau. Il n'a pas la peau d'un être de 40 ans. Il a la peau d'un bébé flambant neuf. Il a un cœur flambant neuf, des reins flambant neuf, il est parfait. À part certaines torts génétiques qui pourraient peut-être y avoir, mais ça s'en va de plus en plus, ça se corrige de toute façon dans une société intelligente et conséquentielle. Donc, pourquoi êtes-vous capable, même si vous êtes apparemment vieilli, de donner naissance à de la neuve vie? C'est cette forme qui va être reconstituée dans le plan moronciel et elle va énergétiquement être recréée à l'image exacte de la forme énergétique vitale qui vous constitue présentement. Toute l'évolution cellularisée chez vous, inscrite dans le code génétique et donc transmissible aux enfants, autrement que par l'éducation et la tradition, crée le double éthérique. Le double éthérique constitué est exactement ce que vous êtes sans tous les problèmes que vous avez. Pas d'âme, pas d'ego, pas de souffrance, pas d'espoir, rien. Un véhicule qui va être capable de recevoir l'esprit. Et lorsque le véhicule, vous allez être conscient, vous allez être ce que vous êtes. Vous allez sortir dehors, vous allez faire les choses qui doivent être faites pour nourrir le corps physique. Vous allez être ce que vous êtes, sauf que vous ne pourrez plus souffrir. Et vous allez faire beaucoup plus de choses que ce que l'homme fait. Maintenant, regardez. Vous mourrez parce que votre double éthérique n'est pas suffisamment constitué, votre fusion n'est pas suffisamment enclenchée. Vous perdez la vie physique. L'âme gagne le plan moronciel. Elle voit le monde de la mort, elle voit les personnages qui viennent la chercher. Elle voit le double éthérique, son double éthérique. Et il n'y a pas une puissance énergétique qui peut supplanter le double éthérique. Alors l'âme s'en va vers le double éthérique qu'elle va incorporer à elle. Il n'y a pas de mort. Lazare n'est pas mort. Avec le double éthérique, il a pénétré le monde de la mort par la suite pour finaliser les choses et il est revenu. Le Nazaréen a fait la même chose. Donc, avec le double éthérique, vous allez attendre qu'une condition parfaite se présente au niveau du contexte planétaire et vous allez peut-être revenir dans un corps physique, mais là, vous allez vous rappeler de qui vous avez été. Ce n'est pas le cas actuellement. Pas avec la hypnose. Du moment que vous allez parler de savoir qui vous êtes, et vous allez continuer la même chose. Celui qui a un double éthérique suffisamment constitué, donc celui qui est suffisamment anégoïsé, celui qui... Dans le langage de l'homme ancien, on pourrait dire celui qui se fout de ce qui lui arrive. Il ne s'en fout pas. Il le tolère. Et souvent, il le comprend, donc l'accepte. Celui qui a un double éthérique suffisamment constitué commence une fusion avec. Qu'est-ce que c'est que la fusion avec le double? Ça se fait de son vivant. La fusion avec le double, C'est simplement un contact, le double éthérique et le compte que l'on constitue dans le plan moronciel va lentement se rapprocher de nous. Dans certains cas, le double éthérique va s'en aller vers une région de notre planète, au Québec, dans une région du Québec, où énergétiquement, il se sent bien. Et là, c'est vous, dans votre corps physique, dans la localité où vous habitez, qu'elle est commencé à vous sentir mal. J'ai expliqué dans une conférence, le Québécois, une race à cochon, pardon, le Québécois, une race à porc, que beaucoup de personnes qui vivent présentement dans le bassin métropolitain québécois, d'un plein du Saint-Laurent, d'un canton de l'Est, vont avoir à un moment donné une vibration, ils vont se sentir mal, ils vont avoir le feeling, ils vont visiter ailleurs dans le Québec, ils vont découvrir les Laurentides, puis ils vont aimer ça. Il y a beaucoup de personnes dans les Laurentides qui sont là depuis longtemps, qui vont t'aller, vont descendre vers le bassin, vont descendre vers les cantons de l'Est, puis ça va être correct. Et j'avais prévu, j'avais dû, enfin, t'amuser à dire, que dans quelques mois, c'est commencé, ça va se faire, ça va s'accentuer dans les 2 années et demie qui viennent. Les terres, les maisons dans les Laurentides vont perdre de la valeur. Dans les cantons de l'Est, ça va commencer à prendre de la valeur. Ça va permettre à ceux qui ont à monter en haut de pouvoir monter, et ça va forcer à fuir ceux d'en haut vers le sud. Le double éthérique, à un moment donné, monte vers les Laurentides. Le double éthérique suffisamment constitué va se diriger vers le bouclier canadien, le Québec ésotérique. Montant là, si le corps physique ne reste pas là, la personne va commencer à se sentir mal, elle va être malade, elle va être diarrhétique, elle va être fatiguée, elle ne dormira plus, elle va être stressée. Et à un moment donné, il faudra qu'elle rejoigne son double éthérique pour se le retrouver. La fusion, le double se rapproche et il commence à investir le corps physique de l'homme. Le double éthérique, c'est un véhicule parfait dans le monde supramental qui est tout à fait en contact. Le double éthérique, il a 2 fonctions. Premièrement, il va avoir la faculté par un canal de relier l'être humain qui est vivant et il pourra servir de contenant à l'esprit pendant la vie, le vécu de l'humain. Lorsque le Nazaréen disait « Je parle avec mon Père dans le ciel », le Nazaréen se faisait fourrer bien raide. Il était à un niveau ascensionnel intéressant et il voulait obéir à son Père dans le ciel. Mais à un moment donné, le Nazaréen, on lui demande qui il est le Fils de Dieu dans les cieux. Là, il a un double éthérique et il a commencé sa fusion avec. Jusqu'à la fusion complétée, et on demande au Nazaréen « Qui es-tu? » Et le Nazaréen répond « Je suis. » Il n'est plus le Fils. Il est. Le double éthérique se rapproche de l'homme. Ça crée certains symptômes. Ça va vous obliger à avoir un ajusteur de pensée de plus en plus éloquent. Vous allez venir pour dire, tu sais, vous venez de conférence comme ce soir, par exemple. De l'ailleurs, vous pensez à des choses. Vous rencontrez quelqu'un, vous voulez parler. Hey, tu sais, j'ai été une conférence, mais non, j'ai pensé une affaire, ça c'est. Ben, c'est bon, mais. Mais non, maudit, ça. Il y en a qui doivent vivre ça de temps en temps. La personne avec qui vous voulez parler n'est pas apte, elle n'a pas à vous entendre parler. Vous ne parlerez pas. Ne pourrait pas le dire. C'est con pour ceux qui ne le vivent pas, mais ceux qui le vivent, c'est ça. Le double éthérique se rapproche lentement et il y a de l'énergie que vous devrez conserver pour lui, pas pour les autres. Nécessairement, il y a des choses comme ça. Ça fait 1 heure que je parle, je vais finaliser certaines petites choses, je vais laisser le temps à mon intervieweur de poser une question ou deux lors de la deuxième partie. Vous pouvez poser des questions sur le sujet de la conférence ou sur n'importe quel sujet. La deuxième partie, la deuxième heure, on va y répondre. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Daniel.